بسم الله الرحمن الرحيم. أسألك عن كلمة أولا. ما معنى أجاد يجيد؟ Faire bien une chose. Comment on dit la course? Jali. Comment on dit la natation? Sibah. Comment on dit un ballon? Kora. Ma mana kassel? Fainéant. Kassel, pas kasslan. Kassel, de la fainéantiste. Non, ouais, le fainéant c'est kasslan ou kassoul. Comment on dit santé? Siha. Ma mana tadarraja et tadarraju? Par échelon, petit à petit. Ma mana anifa? Alors là, moi j'ai marqué deux trucs. J'ai marqué faire avec une intensive et attentif. Là, c'est intensif. Intensif. Hein. Attention. J'avais mal. طيب. الأسئلة. كيف يمكن علاج إسماعيل؟ بممارسة الرياضة. هل يجيد إسماعيل نوعا من أنواع الرياضة؟ لا. ماذا تعرف من أنواع الرياضة؟ الجري والسباحة ولعب الكرة إلى آخره. بأي نوع من أنواع الرياضة سيبدأ إسماعيل؟ سيبدأ بالرياضة الخفيفة إن شاء الله. هل سيزول ما بإسماعيل من كسل إذا مارس الرياضة؟ نعم إن شاء الله. ماذا تفيد الرياضة؟ ماذا تفيد؟ نعم. تفيد للجسم. ماذا تفيد؟ هي تفيد صحة الجسم. تفيد صحة الصحة. نعم. متى سيبدأ رجيسة؟ متى سيبدأ إسماعيل الرياضة؟ اليوم إن شاء الله. ما الألعاب التي تفضلها؟ كرة اليد. باسكت؟ آسيا. كرة السلة. كرة السلة. بانيير en fait. سلة c'est un panier. Thomas. Après il y avait quoi? Ensuite il y avait avec des trous. La vente, j'ai oublié, ça veut dire quoi? Juste directement la phrase, tarjima. Écris directement la phrase que tu as écrite, le mot, et traduis-la. J'ai oublié comment ça veut dire quoi, tahtam. S'occuper de l'importance. S'occuper? Ah, donner de l'importance. S'occuper d'eux. Oui, tahtam bihada, tu t'occupes de ça. Ou tu on dit tartani bizalik, tu prends soin de la chose. Vas-y, mets ce que tu as écrit. La tartam birriada kathiran. Tu ne t'occupes pas beaucoup de. Pas trop de du sport. Non. Ensuite. Ilajou achik yartajou ila mumarisa. Le remède de ton frère a besoin de pratique. Pratique quoi? Moumarisata. Ah oui, d'accord, s'il ne fait pas. Moumarisata. Il est Moumarisati Riyadati. Non. Ensuite. Zalama Ismail Al-Khumul. Min. Ah, Min Al-Khumul. Min Al-Khumul. Ensuite. Al-Riyadatu Mufidatun. للصحة. نعم. الفحص donc le sport est bon pour la santé. الفحص الفحص الطبي أكد. C'est طبي normalement, ils ont mis طبي. C'est طبي. Ouais. Je connais, c'est une كسرة. طبي أكد سلامة جسمي. نعم. بدأ يمارس الرياضة أمس. نعم، ده كان يسير في السباق. نصيحه الكبار مفيده او نفيسه كيف يجي مفيده اذا وافقت الشرع والعقل صح هي ما كوانسيد avec la sensation avec la raison des autres qui parle pour des نصايح اخي catastrophique. Ensuite, il y avait le Sabia, Ratibul Jumal. Allez, voilà, trois dons. Alors, Istaqada Salimun min Naumi Mubakiran. Wassal al-Fajr fil Masjid. Thumma Kharaja ila al-Tariq. Bada Yamshi. Bada Yamshi. Wassar Yajri. Wassar Yajri. Ensuite, وبعد أن جرى مسافة طويلة ثم رجع إلى بيته نشيطا نشيطا مسرعا. لا ينطق كي وبعد أن جرى. La phrase n'est pas correcte. Pas toi mais eux. وبعد أن يجري وبعد أن جرى مسافة طويلة maman on dit pas ثم رجع non c'est بعد أن جرى مسافة طويلة رجع إلى بيته. Je sais pas si c'est un truc qui nous a échappé ou quoi. En tout cas les de la 3-5 celle de la face on pense déjà c'était tout ce qu'il y avait. Ce serait plutôt Aïwa, je pense que c'est Kharaja ila al-Tariq. Quand même. Il est sorti dans la rue et s'est mis à courir. Wassara yajri. Et après, Wabad an jara masafatan tawilatan. Et après qu'il ait couru une grande distance, Bada yamshi. Il a commencé à marcher. Thumma raja ila bayti. Parce que Bad an, on ne peut pas dire Thumma après. Ah ouais, j'ai pensé que Bada dans le sens, il a commencé par. Ouais, j'ai voulu le mettre en premier. Ah ouais, c'est ça, je pense. Donc, c'est. Ça, c'est le 4 en fait. C'est ce qui m'a pas. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. 4. Ça, c'est 5. Ça, c'est 6. Taïe. Un trou fidèle. Un salis pour Echirim. 23ème leçon. Maharatun nafiatun. Maharatun nafiatun. Maharat. Ça serait des savoir-faire. L'habilité, ça peut être des talents. Et là, je pense qu'il y a un ce qui m'a paru comme étant le plus proche, c'est savoir-faire. Il y a des choses à connaître profitables. Choses manuelles. Ça n'a pas dans le texte, Inch'Allah. Mahara Hirfa. Hirfa, c'est comme si c'est un savoir-faire. C'est une chose artisanale que tu connais. C'est un travail, Mesalène. Un menuisier, c'est un harif, c'est un artisan. Mathalan, travaux comme ça. Aslaha yuslihu, réparer, arranger. Islahun, c'est le masdar. En nadjar, ça c'est le menuisier. En nijara, c'est la menuiserie. As-sabak, c'est le plombier. As-sibaka, c'est la plomberie. Talifa, yatlafu, c'est une chose qui s'abîme. Talifa, yatlafu, c'est ça. Ah oui, el mazaf talaf. Alors c'est de là que les takfiriyins, ils appellent les salafis talafis. Al-Misbah, là c'est une lampe, un luminaire, une lampe. Al-Dahan, c'est le peintre. Peintre, c'est pas peintre, peintre celui qui peint les murs par exemple. Tadarraba, yatadarrabu, c'est s'entraîner, s'exercer. Bon, prends ici, prends ta drip, l'exercice. Al-Judran, c'est les murs. C'est le djem de Jidar. Wa Banna'u. Un Banna'u, c'est quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, la construction. C'est quoi ? Le dernier ? Le dernier, Banna'u. C'est quelqu'un qui travaille dans la construction. طيب هنا حوار بين آدم وحاتم ستقرأ آدم وأنا حاتم وسأقرأ المقدمة دخل آدم غرفة صديقه حاتم آدم يغرف dans la chambre de son ami حاتم فوجده يعمل بنشاط ليصلح إحدى نوافذها et qu'il a trouvé qu'il travaillait avec énergie en essayant de réparer une de ses fenêtres de la chambre. Ba'dan sallama alayhi dara baynahuma al-hiwar al-tali. Et après qu'il a passé le salam, il a eu la discussion suivante entre eux. Madha taf'alu ya sadiqi? Qu'est-ce que tu fais ou mon ami? Innani aqumu bi islah al-nafidha li'annaha la tukfal. Il dit je suis en train de réparer la fenêtre car elle ne se ferme pas. شيء حسن ولكنني أظن أنك لا لن تستطيع وقد تحتاج إلى نجار. C'est une bonne chose, mais je pense que tu ne pourras pas le faire et que tu auras besoin d'un menuisier. Il dit لا يا صديقي إن الأمر لا يحتاج إلى نجار فإن بحمد الله أجيد كثيرا من المهارات النافعة النجارة والسباكة. Dis non mon ami, la chose n'a pas besoin d'un menuisier. Car par la louange à Allah, alhamdulillah, je pratique bien, beaucoup, j'ai beaucoup de savoir-faire, on dira comme ça. On dira comme ça. Bon, pour moi, ce serait, je fais bien beaucoup de choses manuelles, profitables, utiles, comme la menuiserie et comme la plomberie. لقد زاد إعجابي بك. هل تصدق أنني لا أستطيع إصلاح إصلاح تلفين صغير في المصباح الكهربائي. Il dit je suis on dit la code Zad Irjabi Bika une autre durée je suis encore plus impressionné par toi en fait on peut pas faire du mot à mot. Hel est-ce que tu me crois que je ne suis même pas capable de réparer un petit problème dans une lampe électrique, je veux dire par là une ampoule. قال إن مشكلتك كبيرة فإذا تلف أي شيء فإنك تحتاج إلى من يقوم بإصلاحه. Il dit oh c'est un gros problème que tu as car la moindre chose qui s'abîme tu auras besoin de quelqu'un qui va le réparer. نعم وفي كل مرة أحضر كهربائي أو سبا أو سباك أو نجار أو ده أو دهر أو دهن أو بناء أو بناء لإصلاح متلف. Il dit oui, car à chaque fois je dois faire venir un électricien ou un plombier ou un menuisier ou un peintre ou un constructeur pour réparer ce qui a été abîmé. هذا خطأ. إن كل إنسان يحتاج إلى تعلم مهارات ضرورية في حياته اليومية. Ça c'est une erreur, c'est une faute, dit. Car chacun a besoin d'apprendre les savoir-faire essentiels dans sa vie quotidienne. Les travaux essentiels dans sa vie quotidienne, on dira comme ça. لا شك في ذلك. فهي توفر الوقت والمال وددت أني أجيد مهارة وددت أنني أجيد مهارة من هذه المهارات. Il n'y a pas de doute en cela, car ça fait gagner du temps et de l'argent. Et j'aimerais pouvoir on dira bien exercer ses savoir-faire. Allah Alam, je dirais comme ça. يمكنك أن تتدرب على بعض المهارات. Il se peut que tu t'entraînes sur certains savoir-faire. أرجو ذلك. J'espère cela. طيب مفهوم النص؟ نصيحة لكم. C'est vrai qu'il y a des choses, c'est important de savoir les faire, pas tout le temps être accroché aux gens, avoir besoin des gens. Car à la base, vous aussi, qu'on explique. Moi, ils demandent mieux ça. Ça, des mains, c'est des choses qui sont obligées. Par contre, tout ce qu'on ne savait pas faire en France, en France, on insiste, tu ne sais rien faire. Quand tu as des mecs, des choses, on est obligé d'apprendre de faire nous-mêmes. Et, alhamdoulilah, ça fait de mal. طيب يقول أجيب عن أسئلتك الآتية من النص. نقول question suivante. كيف وجد آدم صديقه حاتما؟ Comment est-ce que Adam a trouvé son ami حاتما؟ ماذا كان يعمل؟ Qu'est-ce qu'il faisait؟ لماذا يريد إصلاح النافذة؟ Pourquoi est-ce qu'il veut réparer la fenêtre? ما ظن آدم بصديقه حاتم؟ Qu'est-ce qu'a pensé Adam de son ami حاتم؟ ما ظن؟ C'est pas ما ظن؟ Là, là, c'est Alas Manzar. C'est-à-dire, non traduit par qu'est-ce qu'il pense, mais c'est la pensée en fait. كم مهارات يجيدها حاتم؟ Combien de savoir-faire est-ce que حاتم pratique? Allez, bien. لماذا كانت مشكلة آدم كبيرة؟ Parce que le problème de Adam était grand. ماذا يفعل حاتم إذا احتاج إلى إصلاح شيء في بيته؟ De quoi a besoin حاتم s'il a besoin de réparer quelque chose dans sa maison? ماذا تمنى آدم؟ Qu'est-ce qu'espérait Adam? هل يمكن أن يتعلم آدم بعض المهارات؟ Est-ce qu'il est possible que Adam apprenne certains savoir-faire? Bricolage. طيب الثاني تفضل النموذج عندنا ثلاث كلمات المصباح أحضر الكهربائية يعني الألم ونقول faire venir l'électricien c'est devenu إذا احتاج صالح إلى إصلاح المصباح أحضر الكهربائي que si jamais صالح a besoin de réparer l'ampoule il fait venir l'électricien tu fais pareil avec le hammamat, sabak, salle de bain et le plombier. Ok. Il a htaja salih il est salih al hammamat. Il est islahi. Il est islahi al hammamat. Sabaka. Ahdara sabaka. السباك السباك فينير لو كومبيير ابواب الخشب النجار دي بوت اون بوا لو بلوزيير اذا احتاج صالح الى الابواب الخشبي احضر النجار نعم نقول دي سو ديرني جدران المنزل الدهان دي مور de la maison de Dahan. Dahan, il se peut aussi que ce soit le peintre ou également celui qui fait du plâtre, du ciment, sur les murs. C'est un nom, ça ? Ouais, c'est pas. Allez, tfaddal. Il a un il a islahi judrani al-menzili أحضر الدهان نعم الدهان طيب لو بقون لبير ورابع يقول تعلم مهارة لحتساج لصباح فعل وددت أنني أجيد تعلم مهارات Waditu, ça vient de quel verbe? Wadda. Wadda, qui veut dire aimer. Ouais. En fait, j'aurais aimé, si seulement, on va dire, j'aurais aimé maîtriser dans l'apprentissage ou apprendre le savoir-faire. Donc, le bricolage. La différence entre Waditu et Ahbabtu, c'est que ouais, c'est j'aurais aimé quoi. C'est pas j'aimais. Ouais. C'est pas j'aimais dans le passé, j'aimais bien faire ça avant. C'est plus j'aurais aimé. J'aurais aimé dans le côté espoir. كما قال عز وجل ود الذي كفروا من الكتاب لا يردونكم بعد ما انكم كفارا حسدا من بعد ما تبين لهم الحق. Les gens du livre, ils se sont mécru comme les gens du livre, auraient souhaité, auraient aimé voir mécroire comme ils ont mécru, ou voir mécroire par jalousie et qu'un envers eux, après qu'ils aient connu la vérité. Alors, وَدِتُ أَنَّنِي أُجِيدُ شَرَاءَ سَاعَةٍ. C'est déjà fait en fait. Mm-hmm. La phrase elle est déjà faite, je crois. وَدِتُ, je fais tout. J'aurais aimé. Parce que ouais, c'est tout, dit tout est déjà fait en fait, c'est déjà aligné. Je vois pas franchement cette phrase de Charles à acheter une montre. Je vois pas ce qu'il y a d'intéressant à savoir acheter une montre. Là, il avait dit, mais c'est la Isler, ça, ah non, elle a acheté une montre. Je vois pas qu'il va acheter une montre. C'est franchement, c'est bas quoi. C'est la deuxième. Ouais, la deuxième déjà, elle est déjà plus, plus plausible. وددت أنني أجيد قيادة قيادة سيارة. Non. J'aurais aimé savoir, on va dire, savoir bien conduire une voiture. Et je savais ça là, franchement, envoyer une lettre. Je vois pas ce qu'il y a. Ouais, laisse tomber les autres. C'est pas intéressant. On va faire le khamis, remplir les trous. Islah, zanna, mahara, saddaqa, talifa, fursa. C'est une occasion, une opportunité, une force. تدرب طيب الأولى وجد أخي لتعلم النجارة في إحدى الشركات. Que mon frère a trouvé pour apprendre la menuiserie dans l'une des entreprises. Força. Força تال. نعم نكذا. ثانيا لم يتعلم صديقي أي مهارة لكنه رغم ذلك استطاع. Que mon ami n'a appris aucun savoir-faire, aucun bricolage, cependant. Alors là. Je crois qu'il aimerait, s'il pouvait. Ah, ça t'a un petit phase à vous. Il n'y a pas eu de phase à vous derrière. Ah, c'est cela. Non ? Ouais, je pensais ça. Bah non, justement. Ta télé, tu la répares pas. Ta'allumi. Ayet. Ayeti. Yartajou, il est sobre. L'apprentissage de n'importe quelle demande de la patience. Maharati. Non. Ma Ali Youn en. أن صديقه والذي قام بإصلاح التلفاز. علي لا نيجاسيون c'est-à-dire que Ali n'a pas un, c'est son ami et celui qui est réparé la télévision. Non. Pas pensé. Non. Non. C'est pas un bon ami que tu as là non. Tu répares la télévision, il faut mieux les casser. إذا أحد الأجهزة الكهربائية فإنه يحتاج إلى si un des appareils électriques, il y a besoin de quelqu'un qui les répare. Il y a besoin de quelqu'un pour la réparation. Il s'occupe de la réparation. Si l'un des appareils électriques, il aura besoin de quelqu'un qui s'occupera de le réparer. Ah, Talifa, c'est sa lumière. Ah, c'est ça. Abu Bakr Siddiq, ou Awal Luman, un Nabi, alayhi salatu wa salam. Abu Bakr, c'est le premier qui a cru au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa salam. Et ça, il y a un taqid à faire. On va dire parmi les hommes, car Khadija, elle a cru avant lui. Et également, il y a un khilaf par rapport à Warqab ibn Nawfal, l'oncle de Khadija qui était Nasrani. Parce que le Nabi est parti le voir, il lui a dit, celui qui t'a parlé, c'est celui qui parlait à Moussa. C'est celui qui lui a dit que j'aurais aimé être avec toi pour pouvoir te défendre le jour où ils vont te rejeter, t'expulser. Il a dit, est-ce qu'ils vont me sortir? Il m'a dit, non. La miati ahadun bi muslima jitta, il est oudia. Que personne n'est venu expliquer pourquoi tu es venu sans qu'il n'ait été pris en ennemi. C'est-à-dire que Warqab ibn Nawfal, il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben, je sais pas, j'entends pas les savants le citer alors que le zahir du texte, c'est qu'il a cru. Il a cru le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que j'ai pas entendu les gens dire que c'est lui le premier. Tout entendu que c'était Abou Bakr Siddiq parmi les hommes adultes. Alors que Warqab, c'est un kafir ou pas? C'était un kafir. Mais après, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir, il a cru. Il a dit, je t'aurais secouru. C'est mais j'avais vécu avec, parce qu'il était vieux, il était aveugle. L'ansaruka nasan mu'azzara, je t'aurais secouru. Il lui a dit. Mais le jour où ces gens-là vont t'expulser, je t'aurais secouru. Et il a cru, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé, il a reconnu que c'était Jibril. Il a dit Adana Moussa, il a dit Nazala ala Moussa. Et c'est le même qui est descendu sur Moussa. C'est qui? Jibril. Et lisez l'Injil. Allah ta'ala ala. Voyez. Donc, il bait, Tarmel, As-Sabir, c'est de mettre dans l'ordre les mots suivants pour en faire des phrases. On a Zami, il est Min, là, le Fatra dans Mina, c'est pour le Tikwa Sakinei, là. Là-bas, c'est Min. Amen. Ayyataha, ou Ayyata Mahara. Ayyat, là, serait dans le sens de n'importe. Et il y a où? C'est où ça? Voyez. Ayyat n'importe. Ayyata Mahara, c'est n'importe quel savoir-faire. La Ma'louf, El Mukhtalifa, différent. El Maharat, savoir-faire. Yujidu, c'est bien. Thania, El Mushkilat, les problèmes. Lam, Ma'louf, Ba'd, Ma'louf, Iza, Ma'louf, Ba'd, Ma'louf. Fasatukabiluka, te recevoir. El Maharat, tata'allam, tu apprends. Salisan, al-insan, ma'aruf, kassir, ma'aruf, al-maharat, ma'aruf, min, ma'aruf, fi, ma'aruf, al-fara. Cela, ça c'est le waqt, c'est le temps libre. Yastati'u, ma'aruf, ta'alluma, apprendre. Rabi'a, al-sibaka, la plomberie, an, ma'aruf, tadarraba, s'entraîner, s'exercer. Nansaha, conseiller, kassiran, beaucoup, ahmadou, ma'aruf, yujida, pour qu'il fasse bien, sadiqaou, son ami. وهذا تفعله للغد ان شاء الله تعالى يجيدا كيل فاس بيان سي دو اجادا يجيدو avec lui je veux dire pour OK il y avait que ça à faire chez Yafar comme tout bête il a fait également le service mettre les mots faire des phrases aslaha réparer le maharat Zahada a rajouté, le sol de dépôt, il croit, talafoun, détérioration, mouchkilatoun, problème, darouri, nécessaire, i'ajab, c'est le fait d'être impressionné, c'est le mazdar de Arjari ou Arjibou, tadarraba s'exercer, ou el nadjar, le menuisier. Akumala, faylaouna ou alhamdulillah.